24 et 4, production orale. Écoutez les dialogues suivants. Vous allez jouer le rôle du second personnage. 1. Écoutez. Allô, ma reine ? Oh, ma petite Bénouche ! C'est toi ? Mais ça fait une éternité qu'on ne t'a pas vue. Qu'est-ce que tu deviens ? Oh, ma petite Bénouche ! C'est toi ? Mais ça fait une éternité qu'on ne t'a pas vue. Qu'est-ce que tu deviens ? Oh, ma petite Bénouche ! C'est toi ? Mais ça fait une éternité qu'on ne t'a pas vue. Qu'est-ce que tu deviens ? Oh, ma petite Bénouche ! C'est toi ? Mais ça fait une éternité qu'on ne t'a pas vue. Qu'est-ce que tu deviens ? À vous. Allô, ma reine ? Deux. Écoutez. Mais ma reine, je ne sais pas si je pourrais. Mais si ! Écoute, un début, je ne t'a pas vu. Mais si ! Écoute, un début, je ne t'a pas vu. Mais si ! Écoute, un début, je ne t'a pas vu. Mais si ! Écoute, un début, je ne t'a pas vu. À vous. Mais ma reine, je ne sais pas si je pourrais. Trois. Écoutez. Voyons. Qu'est-ce que vous sert ? Whisky, Campari, Kérès, Bagnus, Pastis, Sajano, Americano, Porto. Un doigt de Porto, s'il vous plaît. À vous. Voyons. Qu'est-ce que vous sert ? Whisky, Campari, Kérès, Bagnus, Pastis, Sajano, Americano, Porto. 4. Écoutez. Ah, du potage. Oui, c'est-à-dire non, c'est du gazpacho. Oui, c'est-à-dire non, c'est du gazpacho. Oui, c'est-à-dire non, c'est du gazpacho. Oui, c'est-à-dire non, c'est du gazpacho. À vous. Ah, du potage. Cinq. Écoutez. Mais, monsieur Taylor, vous ne buvez pas. Regardez Mireille. Moi, j'ai un faible pour le chablis. Moi, j'ai un faible pour le chablis. Moi, j'ai un faible pour le chablis. Moi, j'ai un faible pour le chablis. À vous. Mais, monsieur Taylor, vous ne buvez pas. Regardez Mireille. Écoutez. Ce gigot est fameux. J'ai un petit boucher qui me sert très bien. Il a toujours de la très bonne viande. J'ai un petit boucher qui me sert très bien. À vous. Ce gigot est fameux. Écoutez. Conception, attention de ne pas renverser l'agrément renversé. C'est le dessert préféré de Mireille. À vous. Conception, attention de ne pas renverser l'agrément renversé. Huit. Écoutez. Mais ne partez pas encore, vous avez le temps. Vous prendrez bien encore un peu d'Armagnac, n'est-ce pas qu'il est bon ? Il est extraordinaire, mais il faut absolument que je rentre. À vous.